Chapitre deuxième. Il s'élança dans le couloir, dégringola l'escalier, et au milieu d'un groupe de personnes qui le soignaient, il trouva Dieuzy étendu sur le palier du premier étage. Il aperçut Gourel qui remontait. « Ah, Gourel, tu viens d'en bas. Tu as rencontré quelqu'un ?»« Non, chef. » Mais Dieuzy se ranimait, et tout de suite, les yeux à peine ouverts, il marmotta. « Ici, sur le palier, la petite porte. »« Ah, bon sang ! La porte de la septième chambre !» s'écria le chef de la sûreté. « J'avais pourtant bien dit qu'on la ferme à clé. » Il était certain qu'un jour ou l'autre, il se rua sur la poignée. « Parbleu ! Le verrou est poussé de l'autre côté maintenant. » La porte était vitrée en partie. Avec la crosse de son revolver, il brisa un carreau, puis tira le verrou et dit à Gourel. Galope parla jusqu'à la sortie de la place Dauphine. Et revenant à Dieuzy, « Allons, Dieuzy, cause. Comment t'es-tu laissé mettre dans cet état ? Un coup de poing, chef. Un coup de poing de ce vieux ? Mais il ne tient pas debout. Pas du vieux, chef, mais d'un autre qui se promenait dans le couloir, pendant que Steinbeck était avec vous, et qui nous a suivis comme il s'en allait lui aussi. Arrivé là, il m'a demandé si j'avais du feu. J'ai cherché ma boîte d'allumettes, alors il en a profité pour m'allonger son poing dans l'estomac. Je suis tombé, et en tombant, j'ai eu l'impression qu'il ouvrait cette porte et qu'il entraînait le vieux. Tu pourrais le reconnaître ? « Ah oui, chef. Un gaillard solide, la peau noire, un type du midi, pour sûr. »« Ribera, » grinça M. le Normand. « Toujours lui. »« Ribera, alias Parbury. Ah, le Forban, quelle audace !»« Il avait peur du vieux Steinweg. Il est venu le cueillir, ici même, à ma barbe. » Et frappant du pied avec colère. « Mais Christy, comment a-t-il su que Steinweg était là, le bandit ?» Il n'y a pas 4 heures, je le pourchassais dans les bois de Saint-Cucufa, et maintenant le voici. Comment a-t-il su ? Il vit donc dans ma peau ? Il fut pris d'un de ces accès de rêverie, où il semblait ne plus rien entendre et ne plus rien voir. Madame Kesselbach, qui passait à ce moment, le salua sans qu'il répondît, mais un bruit de pas dans le couloir secoua sa torpeur. « Enfin, c'est toi, Gourel ? C'est bien ça, chef. » dit Gourel, tout essoufflé. Ils étaient deux. Ils ont suivi ce chemin, et ils sont sortis par la place Dauphine. Une automobile les attendait. Il y avait dedans 2 personnes, un homme vêtu de noir avec un chapeau mour abattu sur les yeux. « C'est lui, » murmura M. le Normand. « C'est l'assassin, le complice de Ribera Parbury. Et l'autre personne ? Une femme sans chapeau. Comme qui dirait une bonne et jolie, paraît-il, rousse. Hein, quoi ? Tu dis qu'elle était rousse ? Oui. Monsieur le Normand se retourna d'un élan, descendit l'escalier 4 à 4, franchit les cours et déboucha sur le quai des Orfèvres. Halte ! Cria-t-il. Une Victoria à 2 chevaux s'éloignait. C'était la voiture de Madame Kesselbach. Le cocher entendit et arrêta. Déjà, Monsieur le Normand avait bondi sur le marchepied. 1000 pardons, madame. « Votre aide m'est indispensable. Je vous demanderai la permission de vous accompagner. Mais il nous faut agir rapidement. Gourel, mon auto, tu l'as renvoyé ? Une autre alors, n'importe laquelle. » Chacun courut de son côté, mais il s'écoula 10 minutes avant qu'on ramenât une auto de louage. Monsieur Lenormand bouillait d'impatience. Madame Kesselbach, debout sur le trottoir, chancelait, son flacon de sel à la main. Enfin, ils s'installèrent. Gourel monte à côté du chauffeur et droit sur Garche. « Chez moi ?» fit Dolorès, stupéfaite. Il ne répondit pas. Il se montrait à la portière, agitait son coupe-fil, se nommait aux agents qui réglaient la circulation des rues. Enfin, quand on parvint au cours La Reine, il se rassit et prononça « Je vous en supplie, madame, répondez nettement à mes questions. Vous avez vu mademoiselle Geneviève Vernemont tantôt vers 4 heures ?» « Geneviève, oui, je m'habillais pour sortir. C'est elle qui vous a parlé de l'insertion du journal relatif à Steinweg ? En effet. Et c'est là-dessus que vous êtes venu me voir ? Oui. Vous étiez seul pendant la visite de mademoiselle Ernemont ? Ma foi, je ne sais pas pourquoi. Rappelez-vous, l'une de vos femmes de chambre était là ? Peut-être, comme je m'habillais. Quel est leur nom ? Suzanne et Gertrude. L'une d'elles est rousse, n'est-ce pas ? Oui, Gertrude. « Vous la connaissez depuis longtemps ?»« Sa sœur m'a toujours servi, et Gertrude est chez moi depuis des années. c'est le dévouement en personne, la probité. Bref, vous répondez d'elle. Oui, absolument. Tant mieux, tant mieux. Il était 7h30 et la lumière du jour commençait à s'atténuer quand l'automobile arriva devant la maison de retraite. Sans s'occuper de sa compagne, le chef de la sûreté se précipita chez le concierge. La bonne de Madame Kesselbach vient de rentrer, n'est-ce pas ? Qui ça, la bonne ? Oui, Gertrude, une des deux sœurs. Mais Gertrude n'a pas dû sortir, monsieur, nous ne l'avons pas vue sortir. Cependant, quelqu'un vient d'entrer. Oh non, monsieur, nous avons ouvert la porte à personne. Depuis 6h du soir. Il n'y a pas d'autre issue que cette porte ? Aucune. Les murs entourent le domaine de toutes parts et ils sont hauts. Madame Kesselbach, dit monsieur Lenormand à sa compagne, nous irons jusqu'à votre pavillon. Ils s'en allèrent tous les trois. Madame Kesselbach, qui n'avait pas la clé, sonna. Ce fut Suzanne, l'autre sœur, qui apparut. Gertrude est ici ? Demanda Madame Kesselbach. Mais oui, madame, dans sa chambre. Faites-la venir, mademoiselle, ordonna le chef de la sûreté. Au bout d'un instant, Gertrude descendit, avenante et gracieuse avec son tablier blanc orné de broderies. Elle avait une figure assez jolie, en effet, encadrée de cheveux roux. Monsieur Lenormand la regarda longtemps sans rien dire, comme s'il cherchait à pénétrer au-delà de ses yeux innocents. Il ne l'interrogea pas. Au bout d'une minute, il dit simplement « C'est bien, mademoiselle, je vous remercie. »« Tu viens, Gourel ?» Il sortit avec le brigadier et tout de suite, en suivant les allées sombres du jardin, il dit « C'est elle. » « Vous croyez, chef ? Elle a l'air si tranquille. »« Beaucoup trop tranquille. »« Une autre se serait étonnée. »« M'aurait demandé pourquoi je la faisais venir. »« Elle, rien. »« Rien que l'application d'un visage qui veut sourire à tout prix. »« Seulement, de sa tempe, j'ai vu une goutte de sueur qui coulait le long de son oreille. »« Et alors ?»« Alors tout cela est clair. »« Gertrude est complice des deux bandits qui manœuvrent autour de l'affaire Kesselbach. »« Soit pour surprendre et pour exécuter le fameux projet, » soit pour capter les millions de la veuve. Sans doute l'autre sœur est-elle aussi du complot. Vers 4h, Gertrude, prévenue que je connais l'annonce du journal et qu'en outre j'ai rendez-vous avec Steinweg, profite du départ de sa maîtresse, court à Paris, retrouve Ribera et l'homme au chapeau mou et les entraîne au palais de justice où Ribera confisque à son profit le sieur Steinweg. Il réfléchit et conclut « Tout cela nous prouve, 1. L'importance qu'ils attachent à Steinweg et la frayeur que leur inspirent ces révélations, 2. Qu'une véritable conspiration étourdie autour de Madame Kesselbach, 3. Que je n'ai pas le temps à perdre, car la conspiration est mûre. » « Soit, dit Gourel, mais il y a une chose inexplicable. Comment Gertrude a-t-elle pu sortir du jardin où nous sommes et y entrer à l'insu des concierges ? Par un passage secret que les bandits ont dû pratiquer récemment. Et qui aboutirait, sans doute, fit Gourel, au pavillon de Madame Kesselbach. Oui, peut-être, dit Monsieur Lenormand, peut-être, mais j'ai une autre idée. Ils suivirent l'enceinte des murs. La nuit était claire, et si l'on ne pouvait guère discerner leur deux silhouettes, ils voyaient suffisamment eux pour examiner les pierres des murailles et pour s'assurer qu'aucune brèche, si habile qu'elle fût, n'avait été pratiquée. Une échelle, sans doute, insinua Gourel. « Non, puisque Gertrude passe en plein jour. Une communication de ce genre ne peut évidemment pas aboutir dehors. Il faut que l'orifice en soit caché par quelque construction déjà existante. »« Il n'y a que les 4 pavillons, objecta Gourel, et ils sont tous habités. »« Pardon, le 3e pavillon, le pavillon Hortense, n'est pas habité. »« Qui vous l'a dit ? Le concierge. » »« Par peur du bruit, Madame Kesselbach a loué ce pavillon » lequel est proche du sien. Qui sait si, en agissant ainsi, elle n'a pas subi l'influence de Gertrude ? Il fit le tour de la maison. Les volets étaient fermés. À tout hasard, il souleva le loquet de la porte. La porte s'ouvrit. « Ah ! Gourel, je crois que nous y sommes. Entrons. Allume ta lanterne. Oh ! Le vestibule, le salon, la salle à manger, c'est bien inutile. Il doit y avoir un sous-sol, puisque la cuisine n'est pas à cet étage. » Par ici, chef, voici l'escalier de service. Ils descendirent, en effet, dans une cuisine assez vaste et encombrée de chaises de jardin et de guéris en jonc. une buanderie servant aussi de cellier, y attenait et présentait le même désordre d'objets entassés les uns par-dessus les autres. « Qu'est-ce qui brille là, chef ?» Gourel, s'étant baissé, ramassa une épingle de cuivre à tête de perle fausse. « La perle est toute brillante encore, » dit le Normand. « Ce qui ne serait point si elle l'avait séjourné longtemps dans cette cave. Gertrude a passé ici, Gourel. » Gourel se mit à démolir un amoncellement de fûts vides, de casiers et de vieilles tables boiteuses. « Tu perds ton temps, Gourel. Si le passage est là, comment aurait-on le loisir, d'abord, de déplacer tous ces objets et ensuite de les replacer derrière soi? Tiens, voici un volet hors d'usage qui n'a aucune raison sérieuse d'être accroché au mur par ce clou. Écarte-le. » Gourel obéit. Derrière le volet, le mur était creusé. À la clarté de la lanterne, ils virent un souterrain qui s'enfonçait.